Impeza Now, le scoutisme raconté à mon époque. Cinquième épisode, prémisse d'une vie sociale. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est les liens qui sont créés à travers le scoutisme. Donc, c'est les rencontres qui se font, les rencontres. Dans ce camp, j'ai rencontré dans ce premier camp énormément de monde avec qui j'ai encore de très bons liens, de très bons contacts et qui sont restés des amis. Peu importe l'époque, je pense que quand on a 14, 15, 16, 17 ans et même plus tard, même plus jeune, on a envie d'appartenir à un groupe parce qu'on se construit avec les autres, en fait, tout simplement. J'ai justement rencontré énormément de gens là-bas. J'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup d'amis avant, j'étais un peu l'extraterrestre de l'école. Mais effectivement, maintenant j'ai des connaissances des gens partout, quoi. Voilà, vivre avec quelqu'un sur un camp, le matin tu te lèves, tu te brosses les dents avec lui, tu te couches avec lui, et tu connais toute sa vie. Et ça fait vraiment des amis pas artificiels, vraiment, on va parler de choses superflues, c'est vraiment... des gens que t'as connus 3 semaines, mais toute ta vie tu vas être pote avec eux, quoi. Et rien que ça, socialement, c'est une expérience géniale. Et vous verrez, si vous mettez vos enfants dans le scoutisme ou le guidisme, nous aidons leur école. Leurs professeurs leur enseignent des connaissances afin qu'ils réussissent leurs examens, etc. Tandis que nous forgeons leur caractère pour qu'ils réussissent dans la vie. C'est un âge où on est en train de mettre les briques de notre future vie d'adulte et en même temps on est entre deux cocons, entre la famille et notre future famille. C'est un temps d'insécurité, d'incertitude. Mais ce temps d'insécurité, c'est un temps de prise de risque et d'élan et en même temps de valeurs fortes. Tu vas poser les valeurs fortes de ta vie. Ça devient quand même quelque chose qui s'intègre à notre vie. On ne vit pas deux phases différentes. On a vraiment une unité entre le scoutisme et notre vie de tous les jours. C'est les deux vont ensemble et c'est fait pour ça. Santillano, un bon et classique Hugo Frey repris par une joyeuse bande de scouts et de guides. D'ailleurs, vivre ensemble, ça veut aussi dire se mélanger entre filles et garçons? Ou pas? La mixité, c'est une grande question, intéressante, débattue, expérimentée d'une façon ou d'une autre selon les mouvements, et c'est ce qu'on aborde dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté le 5e épisode de Impeza Now, le scoutisme raconté à mon époque. Je suis Grégoire Dubois, j'ai produit et réalisé ce podcast, disponible sur toutes les plateformes d'écoute et même sur YouTube, une série audio documentaire hébergée sur archive.org et distribuée par PodCloud. La musique a été composée par Timothée Mazurel, et dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Abdelhak, Maé, Ethan, Béatrice et Pauline, ainsi qu'une archive de Baden Powell, le principal fondateur du scoutisme. Vos réactions, vos questions, impezanao@gmail.com et sur les comptes Twitter et Facebook du documentaire.